Le libre arbitre est au périsprit ce que la conscience comique ou l'esprit libéré ou l'état d'agent libre est à l'énergie de l'intelligence. Alors l'ego, lui, qui est encore emprisonné dans le mécanisme de réflexion entre lui et le périsprit, va constamment vouloir ou avoir l'impression de combattre. D'exercer son libre arbitre. Et ce n'est pas l'ego qui veut exercer son libre arbitre. C'est le périsprit qui le force à ne pas absorber l'énergie de l'intelligence. Tu sais, j'ai déjà dit que tous les hommes sont bons. Quand je disais ça, je voulais dire que tous les hommes, tous les égos sont susceptibles d'être alimentés par cette énergie-là. Mais tous les hommes n'ont pas la même capacité d'être alimentés par cette énergie-là à cause du périsprit. Et la fameuse faculté du libre arbitre que connaît l'ego, ce libre arbitre-là ne fait pas partie de l'ego. L'ego pense que ça fait partie de lui. Parce que l'ego est inconscient de la puissance, de la force qu'exerce son périsprit sur lui. La preuve. Prenez les saints. Des gens qui ont vécu des états où l'énergie était suffisamment grande pour les faire léviter. Et quand ils lévitaient, naturellement, ils perdaient la mémoire parce qu'ils sortaient du périsprit. Et lorsqu'ils entraient en contact avec ces mondes de lumière-là, et qu'ils revenaient sur la Terre ensuite, ils étaient dans un état d'extase, et ils étaient dans un état d'obéissance, et ils étaient dans un état d'harmonie avec les dictées de cette intelligence-là. Pourquoi? Parce que le périsprit avait été temporairement suspendu ou suffisamment suspendu pour que ces êtres-là puissent vivre une vie dans ce qu'ils appelaient dans le temps l'obéissance. L'obéissance à Dieu, ou l'obéissance à la Vierge, ou l'obéissance au Christ. Pour eux autres, au niveau de leur ego, ils ne souffraient plus de la perte de leur libre arbitre. Ils se donnaient totalement à cette force-là. Mais parce que le périsprit avait été transpercé par cette énergie-là. Alors, pour l'homme moderne, c'est la même situation. L'homme moderne, quand il est suffisamment dans l'énergie du périsprit, il n'est plus intéressé au libre-arbitre. Il est intéressé à être bien. Il est intéressé à être en harmonie avec l'énergie. Il est intéressé à être bien dans sa peau, ainsi de suite. Mais il n'est pas intéressé au libre-arbitre parce qu'il sait que ça n'existe pas, le libre-arbitre. L'ego le sait, il le réalise. Mais tant que le périsprit n'a pas été traversé par cette énergie-là, l'ego, il tient à son libre arbitre. Et automatiquement, l'ego joue le jeu du périsprit. Et qui c'est qui contrôle le périsprit? Avez-vous déjà pensé à ça? Qui c'est qui contrôle votre périsprit? Votre périsprit, il est contrôlé par les lois de la pensée et par les lois de l'émotion. Et qui c'est qui gère les lois de la pensée et les lois de l'émotion? Ce sont des entités inférieures dans le cosmos. Des entités qui sont soit, quand je dis des entités inférieures, je dis des entités inférieures à la lumière. Ça peut être des entités qui sont haut dans le plan astral. Mais ce sont des entités qui sont plus ou moins élevées dans le monde que les gens appellent le monde astral. Parce qu'on pense, nous autres, que parce qu'on pense, on pense que nos pensées viennent du monde ou des mondes de l'intelligence pure. Pas nécessairement. Nos pensées sont fouettées, sont mises en mouvement dans notre tête par de l'énergie. Comme nos pensées peuvent être le produit d'une transposition venant d'un autre monde. Il y a des êtres dans l'astral qui peuvent communiquer avec vous par télépathie, puis vous, vous pensez que vous pensez. Et de la même façon que vous avez des pensées qui font partie de votre mémoire, qui peuvent être amenées à tourner dans votre esprit parce qu'il y a de l'énergie qui la fait tourner, cette pensée-là, qui la rend active, cette pensée-là. Mais la pensée subjective n'a rien à faire avec l'énergie de l'intelligence. et ce qui différencie le phénomène de la pensée et le phénomène de la communication, c'est justement la densité du périsprit. Quand l'homme est en communication au niveau de son ego avec les circuits universels, il pense plus, il parle avec quelqu'un. Il n'y a plus de rationnel dans sa tête. Il n'y a plus d'ordre rationnel dans sa tête. C'est simplement de la dictée. C'est simplement de la communication, comme l'homme se communique entre lui-même et avec d'autres. Mais là où il y a de la pensée, le phénomène de la pensée, ce phénomène-là fait partie du périsprit. Même si ce phénomène-là peut créer des bâtisses, puis peut créer des maisons, puis peut créer des automobiles, ça fait partie quand même du périsprit. Puis au niveau de l'émotion, mais c'est encore pire. Alors l'homme qui s'en va vers la conscience, qui s'en va vers un état d'esprit qui est beaucoup plus près de son esprit que de son périsprit, automatiquement perd la faculté de penser conventionnellement. Il perd la faculté de penser suffisamment. Quand je dis que l'homme perd la faculté de penser suffisamment, je dis que l'homme perd la faculté de penser avec suffisance. C'est-à-dire qu'il perd la faculté de penser pour lui-même. Tant que l'homme pense pour lui-même, ça fait partie de son périsprit. Puis il peut très facilement rationaliser cet état d'esprit. Il dit, bon ben, il faut bien que je pense pour moi-même. Qui c'est qui va penser pour moi si je pense pas pour moi? Il tombe encore sous les lois du périsprit. Un homme qui est centré, qui est dans l'intelligence, il n'a pas besoin de penser pour lui-même. Il agit en vertu, en relation avec l'énergie de l'intelligence. Un point, c'est tout. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à voir la différence entre l'égocentriste et le centriste. Ils pensent que le centriste, c'est l'égocentriste. Dans le centriste, il n'y a pas de réflexion au niveau du périsprit. Il y a une réflexion entre l'ego et l'énergie d'intelligence, la vaste réserve d'énergie qui existe dans l'univers. On se doit, en tant qu'homme, de comprendre la nature de notre ego. Et la nature de notre ego, ça se comprend. Ça se saisit. On va prendre ce que tu me parlais tout à l'heure, OK? J'en parle pas, là, mais je parle entre nous deux, là, pour te faire comprendre quelque chose. Chaque ego, vit des conditions de vie intérieures, à lui-même, faisant partie de lui-même, faisant partie de son secret à lui-même. Mais les égaux n'ont pas l'intelligence pour administrer ce qu'ils vivent intérieurement. Et quand on n'a pas l'intelligence pour administrer ce qu'on vit intérieurement, on le transfère à un tribunal inférieur qui est le périsprit. Puis ça, c'est l'erreur de tous les hommes. Quand l'ego n'est pas capable d'administrer le matériel intérieur, qui est la relation énergétique entre lui-même et l'énergie de l'intelligence, automatiquement, il est obligé de passer à un tribunal inférieur, et lui, il va l'administrer, le matériel, et c'est là que l'ego commence à souffrir du matériel. L'ego souffre de lui-même. Et les égos ne devraient pas jamais souffrir d'eux-mêmes. Pour quelque raison que ce soit, un ego ne devra jamais souffrir de cette petite affaire-là qui est dans sa tête. Parce que la petite affaire qui est dans sa tête fait partie de l'énergie de l'intelligence en lui, mais qui est mal réfléchie, autrement dit, mal compris, et autrement dit, incapable d'être exécutée parfaitement. Autrement dit, ce que je veux dire, tous les hommes ont des secrets. mais ils savent pas quoi faire. Ils savent pas quoi faire avec. Tous les hommes ont des secrets, puis ils savent pas quoi faire avec. Puis s'ils savaient quoi faire avec, parce qu'il y a une relation entre l'ego translucide et l'énergie d'intelligence, ils augmenteraient leur vie et ils créeraient dans leur vie une autre dimension. Autrement dit, ils pourraient consciemment, intelligemment être ce que j'appelle cosmiquement heureux. Sur le plan matériel. Un homme peut être cosmiquement heureux sur le plan matériel, mais seulement dans la condition où son ego est capable d'administrer avec intelligence le matériel qui lui est transmis par l'énergie. Au lieu de l'amener à un tribunal inférieur qui est son périsprit et rationaliser dessus et être pris dans l'émotion de cette affaire-là. Autrement dit, tous les égos ont des secrets et les secrets dans les égos servent à quelque chose. Ils servent à détruire le périsprit. Mettez ça dans votre pipe. Puis ça, c'est une des grandes clés occultes. Une des grandes clés occultes de l'homme de la sixième race. Parce que les secrets sont des conditions mises dans l'homme à la mesure de sa nature pour le forcer à exécuter le secret sans que le secret ne crée de souffrance dans le monde autour de lui. Autrement dit, le secret dans l'homme, c'est un pacte entre lui-même et son intelligence ou entre lui-même et un autre homme, mais dans le framework de la même intelligence, autrement dit, un secret dans l'homme qui est mal compris à cause du fait qu'il est prisonnier du périsprit, doit un jour être vécu à la lueur de l'intelligence de cet homme-là. Le secret dans l'homme, le secret dans le fond de l'homme, doit un jour servir à détruire le périsprit. Et il n'y a pas un homme qui n'a pas un secret. Et si vous n'avez pas aujourd'hui un secret, vous n'aurez demain. Mais un jour, il sera implanté dans votre esprit un secret pour que vous puissiez détruire le périsprit en vous. Mais la compréhension du secret ne sera faite, vécue, qu'en relation avec votre capacité de laisser passer par osmose l'énergie de l'intelligence à travers votre ego, sans que fasse interférence le tribunal, c'est-à-dire le périsprit, la partie de vous qui juge et qui a des valeurs. Mais ça, c'est votre pipe. Peux-tu me donner un exemple? Non. Non. Parce que tout, je vous donne des secrets, mais vous tout donnez dans la merde. Vous serez comme vous n'aurez rien. Non, mais ce que tu dis, là, c'est presque un secret. On peut presque pas en parler. Tout le monde, ça devient un secret. Non, c'est pas un secret, excuse. Ce que je dis, c'est pas un secret, mais c'est bien important. C'est bien important. En tout cas, vous comprendrez le temps. Je vous le dis, allez-vous. L'homme d'aujourd'hui puis l'homme de demain, ce sont deux hommes différents. Ils ne se ressemblent pas tout intérieurement. Il ne se ressent pas pantoute psychologiquement puis philosophiquement. Il se ressent même physiquement. Mais au niveau de l'esprit, ils sont totalement différents des hommes. Et les secrets profonds, ce que vous appelez, vous autres, les secrets dans le fond de l'âme, les affaires qui vous chicotent, les affaires que vous aimeriez faire, mais que vous ne pouvez pas faire, puis vous ne voulez pas faire parce que c'est dur, puis ça crée tous les problèmes, tous les secrets, les petites choses qui vous chicotent, les petites choses que vous aimeriez faire, mais vous n'êtes pas capable de faire. Ces choses-là sont importantes parce que ces choses-là serviront un jour à détruire le périsprit. Un jour, vous vous servirez de vos secrets pour rentrer dans le secret de vous-même. Mettez ça à votre pipe. Fichez ce que je dis. Parce que un homme qui réussit à mettre à nu son secret, pas le dire en public, mais à le mettre à nu, c'est-à-dire à l'exercer, à le rendre vital, à l'explorer, à le rendre utile à la transmutation de ses corps, est un homme qui automatiquement est capable de transmuter la matière spirituelle de son être pour la rendre totalement intelligente. Et un homme qui n'est pas capable de transmuter ceci, qui n'est pas capable de se servir de ses secrets pour transmuter cette matière-là, n'entrera jamais dans l'intelligence cosmique. Je ne veux pas aller trop loin là-dedans parce que je vais en dire trop. Mais je sais ce que je veux dire. Gardez bien vos secrets. Autrement dit, Bernard, le destin n'est pas là pour nous écraser, il est là pour nous forcer à nous élever à un autre niveau de conscience. Exactement. Exactement, exactement, exactement, exactement. Puis, je vais vous dire d'autres choses. Je vais vous dire d'autres choses. Un homme conscient n'a aucune limite. Chaque fois qu'il rencontre une barrière, il y a des forces. Automatiquement. C'est le même qui... La barrière ultime dans un homme, c'est le secret profond. Il y a un secret quelque part, c'est la dernière des barrières. Puis il doit être capable de la faire exploser, cette barrière-là. Un homme conscient n'a pas de limite. Puis savez-vous pourquoi il n'y a pas de limite? Parce qu'il n'a pas de valeur. Il ne met pas de valeur sur rien. Il ne juge rien. Non, il ne juge rien. Il n'est pas capable de juger rien. Ni lui-même, ni les autres. Ni lui-même, ni les autres. Ça fait partie de l'intelligence. Ça fait partie de l'intelligence. Qui détruit la polarité. Parce que juger, c'est des polarités. Je vais vous dire une chose. Plus l'homme avance dans la conscience cosmique, dans la conscience, je lis ça ce mot-là. Plus l'homme avance dans l'intelligence, plus l'homme devient intelligent, autrement dit, plus il est capable de définir sa destinée. Plus il est capable de définir sa destinée. Ça, ça veut dire plus il est capable de faire ce qu'il doit. Et ce qu'il doit convient à ce qu'il peut, et ce qu'il peut convient au secret qui est en lui. Plus il y a une tête de cochon, plus il va le faire. En autant que ce n'est pas de l'ego. Plus il est fort, plus il est capable de le faire. Ça prend de la force pour le faire. Force de caractère. De la force. Les travaux en incognito, ça. C'est des travaux occultes. Ça se fait ouais. En plus de la table. C'est ça. En fait, peut-être de vivre notre secret, c'est qu'on lui donne justement une valeur à ce secret-là, c'est qu'on le pogne en dedans. Ce qui vous empêche de vivre vos secrets, c'est que vous n'êtes pas suffisamment intelligent. Parce que pour vivre un secret, il faut être intelligent, parce qu'il faut pouvoir créer les conditions permettant que le secret se manifeste. Que le secret soit vécu. Ça prend de l'intelligence. L'intelligence, c'est l'énergie. La volonté vient avec l'intelligence. Etc., etc., etc. Mais la psychologie du secret dans l'homme, c'est une psychologie extrêmement profonde, une psychologie qui n'a pas réellement été exploitée par les écoles ésotériques, parce que c'est une psychologie qui est réellement neuve sur la Terre, parce que les conditions de l'homme sont neuves. Mais l'homme, dans sa vie matérielle, je vais vous dire quelque chose. Ils disent que c'est impossible à un homme qui est cosmique de ne pas avoir un secret qu'il a lui-même éventré. Parce qu'un homme qui est moindrement cosmique, qui est moindrement dans l'intelligence, ne peut plus se suffire de vivre sa vie matérielle dans les conditions qui étaient fixées par le périsprit. Parce que c'est pas assez d'oxygène pour lui. La vie est pas assez vaste. Déjà, la vie matérielle est limitée. Alors, elle n'est pas assez vaste pour lui, cette vie matérielle. Et comme il n'est pas encore dans le monde de l'esprit, comme il n'est pas encore libre de se dédoubler à volonté, il est obligé, pour rester sur le plan matériel, de se donner des cordes. Et ces cordes-là font partie de ce secret-là. Et éventuellement, il est tellement vide de périsprit qu'il a besoin de ces secrets-là, autrement dit, de ces cordes neuves ou nouvelles-là, pour se maintenir en paix et en calme et en joie de vivre dans le corps matériel. C'est l'intérêt vital dont on a déjà parlé. Ça fait partie du pouvoir de l'intérêt vital. Ça fait partie du pouvoir de la vie et de l'intelligence dans la vie. Et c'est inconditionnel. Mais je laisse le reste à vos dispositions intérieures et à vos intelligences et à vos méditations pour en essayer d'en comprendre des aspects, parce que je ne veux pas m'avancer en public dans ce domaine-là, parce que je risque de dire des choses que les gens comprendront mal, parce que les gens ne savent pas ce que je veux dire. Les gens sauront ce que je veux dire quand les gens seront dans cet état où ils seront prêts à éventrer leur secret. Autrement dit, le périsprit, c'est une prison, c'est une frontière de la vie. Et un homme, ce qui crée ce qu'on appelle le mal existentiel, le angst, l'angoisse, ce qui crée l'angoisse dans l'homme, c'est le fait qu'il n'a pas été capable d'éventrer ses secrets. Et tous les hommes ont un secret profond. Et le secret demeure pendant des années de temps comme une pièce, une pierre précieuse qu'il ne peut pas polir parce qu'il n'a pas l'intelligence pour le faire. Et ça fait partie des lois de l'intelligence de mettre dans certains hommes, ou dans tous les hommes, mais dans certains hommes plus que dans d'autres, parce qu'il y a moins de périsprit, des secrets qui peuvent être extrêmement onéreux à une conscience mortelle, prisonnière du périsprit, qui peut troubler l'émotivité et le sens valoriel du périsprit. Et qui automatiquement alourdira la vie de l'homme, parce que l'homme ne se sentira jamais libre dans son intelligence et automatiquement ne pourra jamais exécuter librement son intelligence dans la vie matérielle. Et c'est pour ça que le secret est mis dans l'homme. Et c'est pour ça que tous les hommes ont un secret. Est-ce qu'on peut dire en d'autres mots que l'angoisse est causée par le conflit entre ce que l'homme voudrait faire intérieurement et les limites qui lui sont posées, autrement dit, les censures de la société. Exactement. C'est ce qui permet de polir la pierre intérieure de l'individu, de l'homme, afin de définir, de développer son intelligence et de percer le voile, la bulle dans laquelle il se trouve. C'est ça. Exactement. Et ça prend de l'intelligence pour pouvoir le faire. Ça ne peut pas se faire par le biais du périsprit. Mais il y a des secrets et des secrets. Il y a des secrets qui sont des secrets de convoitise. Puis il y a des secrets qui sont des conditions de vie. Grande différence. Les secrets de convoitise ne sont pas des secrets. Ce sont de fausses interprétations des sentiments créés par notre périsprit. Pour nous faire perdre l'overtime. Pour nous faire faire d'overtime. Pendant ce temps-là, on évolue. Pendant ce temps-là, on retarde notre évolution parce qu'on est accroché à nos secrets de convoitise. C'est ça, on travaille ailleurs. On travaille en dessous de l'intelligence. Mais il y a des secrets réels qui ne sont pas créés par le périsprit, qui ne sont pas autrement dit astral, mais cosmiques. Et ce sont ces secrets-là que je parle. Ils peuvent avoir une apparence astrale, mais ils ne sont pas dans leur origine astrale, ils sont dans leur origine, la réflexion qu'impose sur l'ego l'énergie de l'intelligence. C'est une dictée de l'intelligence. Ce n'est pas une réflexion intérieure du périsprit sur l'ego. La raison pour laquelle je parle des secrets, c'est pour démontrer à l'homme que sa vie n'est pas sienne tant qu'il n'a pas réussi à éventrer les secrets qui sont dans le fond de sa vie. Tant qu'un homme n'a pas éventré les secrets connus, manifestés, vécu les secrets qui sont dans le fond de sa vie, il ne connaît pas sa vie. Il n'est pas dans sa vie, c'est-à-dire dans la vie de l'intelligence. Il est dans la vie du périsprit. Alors, le périsprit, c'est une enveloppe qui protège l'homme contre l'intelligence et qui le lie et qui le soumet à la mort. L'homme meurt parce qu'il a un périsprit. Parce qu'aussitôt qu'un homme a réussi à détruire l'enveloppe du périsprit, il ouvre en lui des connexions d'énergie qui sont tellement fortes, qui sont tellement grandes, tellement permanentes, que la conscience atomique de l'homme est altérée et elle n'est plus soumise, cette conscience atomique-là, aux lois de la pensée. Et dès que la conscience atomique de l'homme n'est plus soumise aux lois de la pensée, elle est soumise aux lois de l'énergie. Et c'est pourquoi l'homme ne meurt plus. Si je vous parlais un petit peu trop loin dans le domaine des secrets, j'énerverai bien du monde. Mais c'est une expérience de l'homme nouveau. La compréhension de ses secrets puis la science de son secret. Et je sais d'une façon catégorique que les hommes qui iront vers la conscience supramentale vivront leur secret. Alors ceux qui ont des secrets et qui ne savent pas quoi faire avec, sont bien embêtés avec. Cassez-vous pas la tête, viendra le moment où ces secrets seront vécus, parce que ça fera partie de la destruction du périsprit. Ça peut être à tous les niveaux. Seul le sait celui qui le sait. Mais en attendant, on est obligé. En attendant, vous n'y pouvez rien parce que vous êtes prisonnier du périsprit. Quand vous serez moins prisonnier du périsprit, vous commencerez à en voir les possibilités. Et un jour, vous pourrez exploiter le secret. Le secret, ces sortes de secrets-là, sont dans un sens. Le don de l'intelligence à la vie matérielle de l'homme. Et peuvent vivre ces secrets-là seulement ceux qui sont suffisamment dans l'intelligence pour pouvoir les exécuter, au-delà des conditions imposées par le pire esprit. Les secrets, c'est un secret. Que ce soit à n'importe quel niveau, c'est un secret. Un secret, c'est une chose que l'homme ne veut pas s'admettre. Un secret, c'est quelque chose que l'homme ne veut pas admettre. C'est quelque chose qui est totalement intérieur à lui-même. Ça fait partie de sa conscience intérieure. C'est ça, un secret. Il y a des gens qui peuvent avoir le secret de s'accrocher à un mur pendant des années de temps. Ils n'ont jamais osé le faire. C'est un secret. Pour d'autres, c'est d'autres choses. Mais je sais qu'il n'y a pas de limite au secret. Tout est possible. Tout. Et vous verrez que plus se fera le déchirement dans votre périsprit, plus vous verrez la possibilité d'exécuter ces secrets-là. Et automatiquement, vous verrez qu'il se développera dans votre vie une dimension que vous avez de besoin de vivre, que vous n'auriez jamais osé auparavant vivre, et qui sera essentiel à votre vie humaine dans l'avenir. Mais dans des conditions établies par l'énergie de l'intelligence et non par votre ego. Ça se comprend-tu, ça, cette affaire-là? Ça se comprend pas mal? Je te parle vite. Il y en a combien qui peuvent comprendre ça? Ouais. Un homme qui connaît son secret et qui le vit son secret, parce que ce secret-là, ça se vit occultement. C'est-à-dire que ces secrets-là se vivent à l'intérieur de cadres établis par notre propre intelligence. Un homme qui connaît ces secrets-là et qui les vit, ces secrets-là, vit une vie pleine sur la Terre. Une vie pleine. C'est-à-dire qu'il n'y a plus dans sa vie d'ombrage. Il n'y a plus d'ombrage. C'est pourquoi ces secrets-là sont si importants. Parce que ce sont ces secrets-là qui créent dans la vie de l'ombrage. Mais comme on ne réalise pas la nature de ces secrets-là et comme on ne connaît pas la dimensionnalité de ces secrets-là et de leur fonction, on subit l'ombrage pendant des années de temps. Et c'est pour ça qu'on s'aperçoit dans la vie qu'on vit différentes expériences ou différentes choses, mais on n'est jamais totalement rempli parce qu'on n'a jamais réaliser l'importance de vivre nos secrets profonds. Et le secret profond, c'est comme une boule. C'est comme une boule qui est liée à l'ego, qui descend dans le fond de son puits, et l'ego, un jour, doit plonger dans le puits et être assez fort pour prendre la boule puis la monter en surface. Et à ce moment-là, il sort du puits. C'est-à-dire que il sort de l'influence sur lui du périsprit. Descente aux enfers, c'est ça qui fait la descente aux enfers? Ça descend quelque part. Ça peut apparaître pour certaines personnes comme la descente aux enfers, mais c'est une descente. Mais ce qui est le plus drôle, c'est qu'une fois que tu l'as fait, cette descente-là, tu t'aperçois que tu restes pas dans le fond. Tu remontes en surface bien vite. Puis t'es bien. Mais ce boulet-là, qui est au fond du puits de chacun, doit un jour être amené en surface. Tu remontes pas les mains vides. Non. Faut pas en perdre la boule. C'est pour ça que je dis. Là, il a été découvert à partir du moment où tu as vécu quelque chose, et là, c'est devenu un secret. C'est la nuance que je ne peux pas faire. Le secret demeure toujours, ces secrets-là demeurent toujours des secrets. Parce qu'ils sont tellement profonds, ces secrets-là, sont tellement en dehors des lois du périsprit, que quand tu les vis, ces secrets-là, c'est à partir du moment où tu les vis qu'ils deviennent des secrets. Quand tu les vis pas, ils sont secrètement en toi. Mais quand tu les vis, ils deviennent des secrets. Et tu as la responsabilité pendant toute ta vie matérielle de les maintenir secrets, ces secrets-là. Et un coup, ça t'a été expliqué à un moment donné. Moi, j'ai eu un secret puis il m'a été expliqué. Ouais. Et là, tout, au niveau de l'émotion, ça te fait tomber ça, puis là, je suis bien. Ouais. Parce que ça a été éclairci. Ouais. Ça, c'est une sorte de secret. Une sorte? Ouais. Il y en a d'autres. C'est pas le secret que tu parles, ça. Il y a une gamme de secrets. Il y a une gamme. Ouais. Il y a des secrets puis des secrets. Il y a des secrets qui sont plus secrets d'autres. Non. Non. La libération, quand on se libère d'une forme, est-ce que ça nous libère de ce secret-là? Quand on se libère des formes, ça nous amène à nous approcher du secret. Ah, bon, ça c'est bien. Demandez-en des questions si vous voulez des réponses. Plus vous vous libérez des formes, plus vous détruisez l'emprise du périsprit sur le secret. Le secret, c'est un peu comme une perle qui est dans une huître, puis est protégée, la perle, par l'huître. Puis un jour, il faut que vous brisiez l'huître pour aller chercher la perle. Puis vous savez qu'il y a une perle en arrière, en dessous de l'huître, mais vous avez la chienne d'ouvrir. Ouais, parce que vous ne savez pas. Vous savez pas qu'est-ce que c'est cette perle-là. Ou vous le savez qu'est-ce que c'est cette perle-là, mais vous avez peur de la prendre, de vous l'incorporer, de la vivre, de la mettre à vos doigts, cette perle-là. Fait que vous gardez l'huître fermée pendant des années de temps, fait que vous demeurez des huîtres. C'est bien important de vivre parce que c'est la dernière chose qui nous vient de faire. C'est la dernière chose qui vous lie à votre mémoire. C'est la dernière chose qui vous lie à votre mémoire. Ça serait vivre impossible. Non, c'est pas impossible, c'est sur le plan matériel. C'est avant impossible. Mais pour bien du monde, c'est impossible. À ce moment-là, tu n'es plus sous la crainte du secret. Non, le secret n'a pas d'influence sur toi parce qu'il peut pas, il peut rien faire. Non, le secret fait partie de l'intelligence cosmique dans l'homme, mais il est protégé par l'huître, le périsprit. C'est que tu n'es plus sous l'influence du périsprit. Il est protégé par les influences. Quoi? Il est protégé par les influences. Il est maintenu en dehors des forces de vie par l'influence. Il est empêché. C'est les influences qui t'empêchent d'ouvrir l'huître. C'est nos valeurs, en fait, qui gardent l'huître fermée. C'est ça. Exactement. Tu fais le bien, si tu fais le mal, tu fais le bien aussi. Il n'y a pas de bien et il n'y a pas de mal là-dedans. Dans l'huître, une fois que tu as ouvert l'huître, il n'y a pas de bien et il n'y a pas de mal. C'est aucune valeur. Le bien et le mal, il est inscrit sur l'huître. Et Bernard, est-ce qu'il y a un rapport lorsque tu disais vivre votre Il y a un rapport, mais un rapport encore plus profond que ça. Parce que vous ne pouvez pas vivre encore votre vie parce que vous n'êtes pas encore suffisamment dans votre intelligence. Vous avez trop de périsprit pour vivre votre vie. Vous autres, quand vous vivez votre vie, vous détruisez la vie de tout le monde. Tandis que quand tu vis ta vie à ce niveau-là, tu ne détruis pas la vie de personne. Tu augmentes ta vie, mais tu continues à maintenir l'harmonie dans le monde. Mais ça, il faut être bien intelligent. Il y a un moment opportun pour vivre ce secret-là. Et vous ne pouvez pas le devancer, ce moment-là. Sans ça, ça serait la convoitise du secret. Puis là, vous allez vous faire pogner dans l'huile. Ça n'a rien à faire avec le courage, ça a à faire avec de l'intelligence. C'est une action bien précise sur le plan matériel. C'est une action très précise sur le plan matériel. Il y a un lien entre le secret et l'intérêt vital. Il y a un lien entre le secret et la couleur de l'intérêt vital, la valeur de l'intérêt vital, la dimensionnalité de l'intérêt vital, la finalité, la grandeur, l'expansion, la diffusion, l'infinité de l'intérêt vital. Ça fait partie de la libre vie. Et non de la vie libre. Ah, Seigneur du bon Dieu. C'est ça qui vous fait faire de l'overtime. C'est ça qui vous crée des tensions. Je vous donne des clés. Je peux pas aller chercher pour vous autres. Non, ça fait partie de votre vie. Ça fait partie de votre vie. Moi, j'explique les mécanismes de la vie. C'est à vous autres de les découvrir et de les vivre. Je ne suis pas un psychologue. Je suis un psychologue. Mais c'est bien important, cette affaire-là. Je vais la rattacher plus tard à d'autres choses. Dans la vie de l'homme, dans la vie de l'homme, dans la vie profonde de l'homme, savez-vous pourquoi est-ce que les secrets existent? Les secrets existent parce que l'homme en a besoin. A besoin de ses secrets, a besoin de vivre ces secrets-là. Mais pour que l'homme y vive ces secrets-là, il faut qu'il passe par certaines étapes. C'est-à-dire, il faut qu'il en arrive à être extrêmement centrique. Et les secrets sont placés en lui pour justement alléger, tant qu'il est dans la matière, le fardeau de la vie matérielle. Ça se comprends-tu, ça? Pour alléger le fardeau de la vie matérielle. Non, je ne veux pas trop tâter avec ça. Si tu dévoiles le secret, qu'est-ce qu'il y a? Tu détruis ta vie. Ouais, automatiquement, puis tu détruis la vie des autres. Tu peux mettre. Tu détruis. Ça, c'est inévitable. Tu détruis. C'est automatiquement un manque d'intelligence. Et un manque de discernement. Tu détruiras ta vie si tu développes, si tu dévoiles ce secret-là. C'est parce que tu n'étais pas. C'est parce que tu n'étais pas suffisamment intelligent pour le vivre. C'est terrible ce qu'un secret peut faire. Quand c'est dévoilé. Un secret occulte. Un secret qui est le rapport entre l'ego et l'intelligence cosmique. Quand c'est dévoilé, ça peut détruire tout. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de restreinte dans les mécanismes de résonance du pur esprit. Peux-tu dire que c'est des missions? Non. C'est la vie au bout. Ah, je peux pas vous mettre tout clair comme ça. Pourquoi vous commencez à mettre des dessins sur les murs? Si le secret est dévoilé, c'est comme un barrage qui explose.